représente FPLO. Je me présente, t'es marre, je rappe depuis 5 ans, mais pas 13 ans. Je le fais tranquillement comme un pirate, je rêve de trésor. Je fais pas des bons sextants, et peut-être pas des bons sommars. C'est le petit blanc qui jamais prêt à soumettre. Si ça freestyle, c'est que j'y sous tête. Si ça crie aïe, c'est que j'pose du tout frais. J'diffusais du sky et poser des coups pleins. Laisse le signe du taureau, j'arrive les couilles pleines. Rien à foutre, ça vous plaît, j'suis pas le qu'un rit tout balèze. De tes conneries, j'm'en balance. C'est pour Osiris et hostile et war. Pour ceux que j'vois pas, c'est que j'oublie pas. L'asmala, ça fait papa. Pas de gun ni de melage, j'attaque pas. J'imagine ma vie dans 10 piges, devoir mûrir parce que le temps m'y oblige. Avoir des gosses et de quoi les nourrir et devenir le boss, moi c'est vieux que je veux mourir. J'imagine ma vie comme un film en noir et blanc. Ne pas le regarder car pour l'écrire je manque de temps. Dans ce film je peux finir bladé ou dans une flaque de sang. Essaye un peu d'imaginer ma gueule en gros plan. J'imagine vendre la drogue pour m'acheter une pièce neuve. Avoir un crash dans lequel je perdrais ma meuf, dans lequel je perdrais mes jambes. Moi je n'aime plus la vie dans ma chaise roulante. Imagine rentrer sous, en dessous de tout, devenir fou, tuer ta femme en la rouant. Imagine toutes ces pensées hardcore. Moi aussi j'en ai peur. Imagine te mutiler le corps pour connaître la douleur. Papa, ils peuvent tous parler sur mon dos, sur mes textes. Chercher à capter mes phrases ou là où je fous mes fesses. Là où je fous mes scènes, ce mec la roue tourne mes cercles. On est trop fort pour du test, vas-y tous essaye. Ils peuvent tous parler sur mon dos, sur mes textes. Chercher à capter mes phrases ou là où je fous mes fesses. Là où je fous mes scènes, ce mec la roue tourne mes cercles. On est trop fort pour du test, vas-y tous essaye. Imagine, si j'avais pas fumé le pet, si envers l'école j'aurais eu de la motivation et du respect. Imagine mes parents dire, il aurait pas dû se perdre. Imagine j'aurais pas les mêmes choses, les mêmes envies, les mêmes souvenirs, ce serait pas la même chose. Imagine si j'avais eu du fric, imagine j'aurais eu tout tout de suite. J'aurais pas la notion du prix, mes vraies valeurs auraient du mal à suivre. Imagine une maladie, toute la famille se paralyse pendant que moi, je rêve juste d'aller au paradis. Imagine sur mon île avec mon champ de cannabis, ma femme, mon fils et ma grande canne à pêche. Imagine que je gagne à la loterie, que je bouge en Hollande et que j'achète un coffee. Faut bien que la soie la profite. Imagine sur moi on ferait un film, ce serait chiant comme t'es ma une image fille. J'mène une vie d'artiste pendant que les darons me disent que c'est la crise. Déjà dit, y'a les flics, mets ta zep dans ton slip. Toi t'es faux comme un puceau qui met de la meuf dans son clip. J'ai lâché les études pour faire la bécile en soirée. J'baisse les putes vu que les meufs clean, j'arrive pas à les serrer. Mais j'ai commencé tout seul, personne m'a cité. Bâtard, si tu m'aimes pas mon blaze, il faut même pas le citer. Je suis en plein flic que quand je suis quasi écroulé. Connard, j'écris tellement que mon petit cahier est troué. Le rap belge nique cette bande de cocards. J'rappe en espérant ne pas finir comme un clochard. Mon franc-parler, tel est mon bagage. Le short de gym et le cartable dans le placard. J'ai toujours mangé à ma faim, mais j'en voulais plus. J'ai transformé ma putain de vie en roulette russe. J'ai plein de trucs qui m'aident à oublier mes peines. T'inquiète maman, je suis pas du genre à me couper les veines. 4 ans plus tard, c'est la même, toujours pas dans le disque. La même, avec un gramme de moins dans le disque. Mentir, j'en ai toujours pas l'envie. Rapide, à croire qu'il rappe au ralenti. Je t'en prie, va leur dire ce qu'on a dans le beat. J'ai pas de clabeux dans le slip, c'est pas de la rage quand je crie sans fric. C'est comme ça qu'on opère fils, en esquivant la merde et vos sourires trop perfides. Délice, gris, 16 rimes psychédéliques. Soir, ce c'est délire et je vais pisser des litres. Impec, check dans ma sec, pas d'insectes. Toujours le même impair, le même vieux flow infect. C'est le bonheur que j'envisage, mais aujourd'hui mon visage est sale comme une toile et tout ça sniff des trucs bizarres. Calme, pour faire plaisir aux débutants, crade des pointus pour trouer les cubes puants. Ils peuvent tous parler sur mon dos, sur mes textes. Chercher à capter mes phrases ou là où je fous mes fesses. Là où je fous mes scènes, ce mec la roue tourne mes cercles. On est trop fort pour du test, vas-y, vous essayez. Ils peuvent tous parler sur mon dos, sur mes textes. Chercher à capter mes phrases ou là où je fous mes fesses. Là où je fous mes scènes, ce mec la roue tourne mes cercles. On est trop fort pour du test, vas-y, vous essayez.